Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le sport, la compétition sportive, le journalisme sportif, l'alcool et l'amitié, les amitiés, le commerce des amis, et puis évidemment, l'écriture, les romans. Le 5 décembre 1959, José Pivin recevait Antoine Blondin sur France 2 Régionale. Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée. Une émission imaginée et réalisée par José Pivin qui présente aujourd'hui une matinée avec Antoine Blondin. Des extraits des romans d'Antoine Blondin, L'Europe buissonnière, Les enfants du bon Dieu et Un sage en hiver, seront interprétés par Clément Béram, Charles Millot, Yves Pénaud, Nelly Delmas, Catherine Georges et Janine Patrick. Le récitant Jean Martin. Prise de son Roger Jean Brun et Jean Pantaloni. Assistant de production Jean-Pierre Collat. Cette matinée, nous allons la passer avec Antoine Blondin, l'auteur du roman Un singe en hiver, qui vient d'obtenir le prix Interallié. Et avec cet auteur, nous allons entrer dans un cercle d'amis. Antoine Blondin, pour que nous puissions mieux reconnaître dans vos œuvres ces qualités humaines qui les rendent aussi amicales, voudriez-vous nous parler des instants qui les virent naître, c'est-à-dire de votre enfance ? J'ai eu une enfance essentiellement parisienne et qui m'a semblé très belle. Cette enfance parisienne s'est déroulée dans le 9e arrondissement et c'est important parce que, à cette époque, le 9e arrondissement était un quartier encore un petit peu en état de mue. Et à ce moment-là, il traînait encore dans ce quartier quelques relents du boulevard, enfin du boulevard, pas celui exactement de la Belle Époque, mais celui où l'on voyait encore passer les derniers boulevardiers. Il y avait aussi de nombreuses affaires, des activités qui ne s'étaient pas transportées vers les Champs-Élysées. Et quand je retourne dans ce quartier maintenant, il me semble assez triste, mais à cette époque, il me semblait très beau. Ce qui me semblait très beau, c'était la vie. C'était un quartier où il y avait des gares, la gare du Nord, la gare de l'Est, la gare Saint-Lazare, donc un quartier cerné de gares. Et c'est quand même toujours agréable d'être cerné par des gares, parce que ça, c'est ne pas être cerné entièrement, n'est-ce pas ? Puisque c'est une possibilité de partir. D'autre part, il y avait un petit peu de verdure, mais surtout, ce qui me plaisait, c'était l'animation des rues, l'animation des boutiques, parce que je me suis retrouvé très tôt en pension. Et cette pension me semblait un exil. Et j'étais exilé de quoi ? Ben, j'étais pas exilé tellement de ces maisons du 9e arrondissement qui sont assez noires, mais j'étais exilé du trafic, exilé de ce qui me semblait être le pouls, le rythme de la vie, du plaisir, de ce qui fait le prix de la vie pour des enfants, c'est-à-dire les couleurs et les mouvements. J'ai bercé très vite une nostalgie de Paris, et par là même, quand je retrouvais Paris, un très grand amour de Paris. Les meilleurs souvenirs que j'en ai, les plus marquants et ceux qui tranchent le plus avec ce qui devait être ma vie ensuite, ce sont des souvenirs de rhume. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle on m'a mis en pension, c'est que je m'enrhumais beaucoup à Paris entre la maison et l'école. Et alors on a trouvé qu'il était extrêmement expédient de me mettre directement à l'école toute la journée et toute la nuit, comme ça je n'avais pas à me lever le matin. Donc ce sont des souvenirs de rhume qui sont des souvenirs exquis, parce que ce sont des souvenirs qui sentent les bonbons, l'eucalyptus, les livres que l'on découvre. Et puis cet état de fièvre qui n'est pas désagréable quand même, et puis de vagues rêveries. Et en pension, quelle était votre vie ? Eh bien, en pension, ma vie consistait à pleurer pendant un certain temps, et ensuite à compter les jours qui me séparaient de la sortie, et puis un peu plus tard, à découvrir quand même deux choses qui font tout à fait le prix de la vie pour moi. La première, c'est la camaraderie, et la seconde, c'est la discipline. La discipline dans la mesure où elle vous maintient dans de certaines règles, et où elle est la pierre d'achoppement de toutes les manières de la tournée, et par conséquent où elle excite de certaines malices et de certaines complicités. Cette discipline, vous ne l'aviez pas chez vos parents ? Ah non, je ne l'avais guère. Ayant été en pension à l'âge de 8 ans et demi et rentrant chez moi un petit peu en enfant prodigue, à chaque fois, même pour les plus brèves vacances, j'étais donc plutôt gâté quand je rentrais. pas été un gâté du dimanche. Il y a des gâtés de la semaine, j'ai plutôt un gâté du dimanche. Il y a peut-être aussi d'autres moments où vous avez été gâté. J'ai eu pendant 6 ans un oncle hollandais qui était armateur, qui était un magnat considérable et qui possédait une superbe goélette de 40 mètres sur laquelle je faisais une fois par an un voyage de 3 semaines. J'avais le mal de mer, je ne me nourrissais que de cachous et qui me laissait les plus beaux souvenirs et me rendait à la terre avec l'appétit le plus dévorant, moi qui en manquais plutôt à l'habitude. Je suis allé en Finlande, en Norvège, en Suède, en Estonie, qui existait à cette époque-là, en Lituanie, en Pologne, à Danzig, en Allemagne, en Irlande, en Espagne, aux Canaries, et ça, ce sont d'excellents souvenirs quand même. J'ai fait ces voyages entre 12 et 16 ans. Je me rappelle qu'un jour, l'équipage du bateau que cet oncle commandait lui-même avec une autorité, c'était pas du tout un yachtman de pacotille, il était à la barre, enfin, il y avait un équipage de 6 hommes, a parlé de se mutiner si nous ne rentrions pas au port. Nous étions dans le golfe de Riga, et quand nous avons touché Riga 48 heures plus tard, on nous a appris que nous étions le seul bateau sorti en Baltique ce jour-là, pratiquement, enfin, par quelques... Alors ça, c'est un souvenir. Et c'est un souvenir qui me laisse malgré tout un souvenir assez bon parce que j'avais le mal de mer pour changer, mais comme tout le monde l'avait aussi, il ne se doublait pas du complexe du mal de mer qui est une chose très fâcheuse quand on l'a tout seul. Vous n'aviez pas une impression de danger à ce moment-là ? Oh, il n'y a pas d'impression de danger quand on a le mal de mer. On rêve d'un vil brequin pour percer un petit trou dans la coque et que le tout s'engloutisse. Mais comme disait le fou, c'est si bon quand c'est fini. J'ai des images d'escale. Je me rappelle Danzig couvert de croix gammée et moi faisant le pitre et me faisant gifler. Donc tu vas provoquer des incidents diplomatiques par les grandes personnes, car on n'avait jamais vu des civils en uniforme. D'aller rentrer dans un bureau de tabac, se faire servir par quelqu'un qui ressemblait à un agent de police, c'était assez étonnant, moi ça m'épatait beaucoup. J'ai des souvenirs de Riga qui était en état de siège, alors une ville très grise avec des coupoles et des fils de fer barbelés, des mitrailleuses sur les quais, et où je n'ai pas pu descendre. J'étais extrêmement triste, parce que quand même le meilleur de ces voyages, c'était malgré tout les escales, quand on n'est pas naturellement navigateur. Et je n'ai pas pu descendre parce que la ville était en état de siège. Les autres ont pu descendre exceptionnellement parce qu'ils avaient un visa que je ne possédais pas, étant n'ayant pas de passeport autonome. Je me rappelle de très belles promenades en Finlande, le long des lacs, d'avoir visité un sauna, d'avoir vu des gens se baigner dans de l'eau qui me semblait glacée, d'avoir vu des tours de poètes, d'être entré dans un restaurant où l'orchestre s'est mis à jouer la Marseillaise dès que nous sommes entrés, spontanément, en trouvant que nous avions des têtes françaises. À 14 ans, ça fait très plaisir. Après ces voyages, la pension devait vous paraître encore plus pénible. Je n'ai que des souvenirs noirs jusqu'à l'âge de 14 ans, et brusquement, il m'a semblé que la pension était un hôtel et que c'était quand même assez charmant. Et un hôtel en commun, avec des amis qui ont mangé très bien dans cette pension. Je me suis retrouvé à l'âge de 14 ans, parce que j'en ai quand même changé, en pension à Paris, ce qui est assez drôle. Hein. Mais en fait, il n'y avait aucune différence entre la pension de Paris et la pension de province, puisque nous ne sortions pas de toute façon. Sinon, les individus étaient un petit peu différents. C'est donc un hôtel cosmopolite. Il y avait beaucoup d'étrangers. Les étrangers qui font leurs études à Paris sont volontiers pensionnaires, puisqu'ils n'ont pas leurs parents là. Et alors, on parlait toutes les langues. Et puis, je n'ai retrouvé cette impression que dans des halls d'hôtel. Donc, j'ai d'abord été très malheureux en pension, mais je précise qu'après, j'ai fini quand même par m'y faire très très bien au fur et à mesure que je vieillissais, que ça m'était même plutôt agréable. Et vous êtes resté donc en pension jusqu'à... Ben, je peux dire que je suis resté jusqu'à 23 ans parce que j'ai fait des études assez longues pour deux raisons. D'une part parce qu'elle n'était pas très brillante au début et que je redoublais mes classes, ce qui fait que le taximètre tourne pendant ce temps-là et que c'est du manque à gagner. Et puis ensuite parce qu'elles sont devenues pas trop mauvaises et que je les ai poussées assez loin. Et enfin parce que j'ai quitté directement, je puis dire, le lycée pour le STO. Et ça fait encore deux ans de pension de plus et je suis rentré à l'âge de 22 ans. Et là j'ai été marié, ce qui est encore une autre façon d'être en pension. Enfin bref, j'ai rarement couché seul, si vous voulez. J'ai connu des dortoirs, j'ai connu des chambres et j'ai connu des chambres conjugales. Voici maintenant un passage du roman d'Antoine Blondin, Les Enfants du Bon Dieu, dont je vais demander à Antoine Blondin de nous parler un instant. Les Enfants du Bon Dieu, c'est l'histoire d'un professeur qui décide un jour de ne pas signer le traité de Westphalie et de modifier l'histoire de France. Ce professeur a le sentiment un beau jour, donc, qu'il mène une vie routinière, et que cette vie routinière, ou n'est routinière que parce qu'elle est scandée par la répétition d'année en année du même cours d'histoire de France qu'il débite à ses petits-enfants. Et il lui vient l'idée un peu farfelue de briser le carcan, et comme il n'a pas peut-être le courage ou l'audace de briser le carcan même de la vie, il décide de briser sa réplique dans l'histoire. Et de même que la répétition des événements de l'histoire semblait conditionner la répétition des événements intimes de sa vie, il va s'avérer que lorsqu'il casse l'histoire de France, sa vie elle-même se brise à son tour. Et que l'histoire fantaisiste qu'il est tenu désormais de raconter à ses élèves, puisque le traité de Westphalie n'a pas été signé et que ça modifie toute la suite des événements, trouve un répondant chez lui et qu'il s'engage dans des aventures qui baignent à leur tour, elles aussi dans un climat de fantaisie. À la fin, tout rentrera dans l'ordre. Ce roman était au départ un prétexte, surtout pour réécrire l'histoire de France d'une façon bizarre. Et en fait, je n'ai pu le faire que très fragmentairement parce que, ne la connaissant pas extrêmement bien moi-même, j'ai supposé malgré tout que les lecteurs ne feraient peut-être pas non plus l'effort que je faisais d'aller regarder dans l'avis ce qui s'était passé à cette époque-là et que chaque fois que l'on introduisait un élément fantaisiste dans l'histoire, il ne trouvait de sel de poids que par contraste avec ce qui s'était passé vraiment. Or, ce qui s'était passé vraiment, en fait, je m'aperçois que beaucoup de gens l'ignorent. Qu'est-ce qui vous a amené à cette idée ? En fait, c'est un ami que j'ai, qui est professeur, qui est maintenant professeur à la Sorbonne même, et avec qui je déjeunais et qui a regardé sa montre à la fin du repas, qui m'a dit « Zut, il va falloir encore que j'aille signer le traité de Westphalie cet après-midi. » Ça m'a semblé drôle, et je me suis dit « Mais après tout, pourquoi est-ce que tu le signerais ?» Et il m'a dit « Tu n'y penses pas une seconde, et au contraire, j'y ai pensé, et c'était le point de départ de ce livre. » « Si vous continuez à bien travailler, je vous nommerai évêque. » Le petit bloc, qui est le premier dans toutes les matières, trouve que ça n'est pas payé. Il neige. On pense que ça ne tiendra pas. Charlemagne non plus, ça n'a pas tenu. Le traité de Verdun a fait fondre l'Empire, l'Europe se crevasse, la France, l'Allemagne et l'Italie se séparent et se partagent. Je les vois filer dans les rigoles, chacune de leur côté. La terre est couverte de boue et de ruisseaux. J'en ai les pieds humides. Le soir, nous buvons des grogs avec nos amis, en échafaudant les projets d'un avenir qui se limite généralement au prochain réveillon. À l'approche des fêtes, les croisades me chantent un air de croisière. Le jour de l'an à Jérusalem ? Je ne sais pas si cela se fait. Sophie préférerait les sports d'hiver. Ce ne sont que des propos en l'air, chaque année les mêmes. Des propos d'entretien pour nous affermir dans le sentiment que nous ne sommes pas encore rouillés, qu'une porte s'ouvrira peut-être. Nous savons au demeurant que ces journées appartiennent aux familles. C'est l'époque où les novilis et les perrins se récapitulent dans leurs salons respectifs, dénombrent leurs rejetons, les toises contre le chambranle des salles de bain. Pendant ce temps, Godefroy de Bouillon contracte le goût du luxe en se vautrant parmi des étoffes damassées de Damas et des voiles de mousseline de Mossoul. Les chevaliers rapportent de Terre Sainte le système décimal et la dysenterie. Philippe Auguste épouse Blanche de Castille pour permettre à Saint-Louis de rendre la justice sous un arbre de Noël. Au moment où l'on tire les rois, j'en fais moi-même une consommation effrayante. Philippe le Bel, Philippe de Valois, Jean le Bon, sans compter les Henri, qui sont anglais, Dieu sait pourquoi, au début du second trimestre, et les Charles, en revanche, qui se trouvent alors français et s'affirment à tour de rôle, ou le sage, ou le fou, ou le bien servi, comme s'ils se concertaient pour donner au milieu de nos désastres un festival de nos vertus traditionnelles. Quand on sonne à la porte, je tresse l'oreille. Allons-nous entendre la supplique sinistre de Philippe VI, « Ouvrez, ouvrez au malheureux roi de France !» Ce n'est que le terme de janvier. La défaite de Crécy n'attendrit pas le gérant. Le pays est découpé comme une galette. Et c'est notre Charles VII qui a la plus petite part. Mais il a la meilleure, celle qui contient la fève. Jeanne d'Arc, le propriétaire, parle de nous bouter dehors. C'est chaque fois la même chose. Les élèves ne s'amènent plus qu'en mitouflés douillettement. Ils n'ont pas tort. Un jour, on brûle Jeanne sur la place du marché à Rouen. Le lendemain, on découvre le cadavre de Charles le Téméraire dans la neige, près de Nancy. Un chaud et froid décime la classe. La plupart des bancs se vident. Les mamans passent me voir en revenant du marché. De préférence au professeur de lettres qui est cruel, au professeur de sciences qui est chauve. Dans leur cabas, la pharmacie voisine avec l'épicerie. Dans leur cœur, la panique avec la ferveur. Une montagne de mensonges et de malentendus, élevés par les enfants, nous sépare. Nous ébauchons une amorce de tunnel, puis nous renonçons d'un commun accord. Moi-même, je tombe un peu malade. Je m'autorise 2 ou 3 leçons d'absence, tandis que Christophe Colomb, Magellan et Vasco de Gama cinglent vers les épices. Les caravelles livrent à point le sucre et la cannelle chez les marchands génois. Sophie nous prépare du vin chaud. Je lui transmets la grippe d'Abdallah ou de Minier ou de Bloch. C'est à peu près le seul échange entre mon métier et mon foyer. Une manière de ne pas tenir ma femme trop éloignée de mes activités. Un beau matin, en faisant l'appel, je constate que tout le monde est revenu et c'est la renaissance. Ma belle-mère soulève quelques housses et c'est l'entrevue du camp du Drap d'Or. Nous prenons de nouvelles résolutions pour le printemps qui s'annonce et c'est la réforme. Le front collé contre la vitre encore embuée de givre, nous nous hasardons à entrouvrir une fenêtre et la Saint-Barthélemy précipite Coligny. Dès lors, je peux poursuivre ma route avec la ponctualité d'un train express. Je sais que je passerai toujours aux mêmes heures, aux mêmes stations, que je respecterai l'horaire. L'histoire m'est un rail de vie exemplaire et je ne connais que trop parfaitement mon parcours. Les premiers bourgeons dorés du fort Sitia des Tuileries se rallient au panache blanc d'Henri IV et Richelieu construit une digue à La Rochelle pour contenir les giboulées. Chacun de mes gestes assure une correspondance avec un événement mémorable. Chaque grande date trouve un contrepoids dans le calendrier de mes jours. Or, cette nuit-là, il me vint pour la première fois le sentiment aigu que je dépérissais sur pied. Fût-ce parce que ma visite derrière l'abbé Vincenot m'avait procuré la révélation en coupe du reste de l'équipage, la juste place et les aboutissants de notre maturité dans ces appartements disposés comme des clés. Fût-ce parce que je me navrais d'entendre, feuille après feuille, notre boule de gui se répandre sur notre couche et que j'en dégageais des symboles implacables. Toujours est-il que je me surpris à proférer, ainsi que Sophie avait accoutumé de le faire, « On n'a qu'une vie. »« Qu'est-ce que tu dis ?» On n'a qu'une vie. Et alors tu renonces à dormir pour ne pas en perdre une minute. Elle se leva dans sa longue chemise, fit 3 pas en rond, embrassa d'un œil son domaine familier. Velasquez et Chardin ne la verrouillaient pas. Le porte-bonheur a fini par nous dégringoler sur la figure. C'était à prévoir. Un immense espoir m'envahit. Je crus qu'elle allait formuler, toute ouatée de torpeur, la maxime de notre tristesse. Après, nous verrions clair dans nos secrets. J'aurais dû la retirer plus tôt, mais je ne peux pas porter l'escabeau toute seule. Ne t'en occupe pas, je balayerai ces saletés-là demain. Une semaine auparavant, elle m'avait déclaré... Tu n'étais pas fait pour te marier si jeune. Ainsi, avais-je découvert qu'au milieu de ses balais, de ses pinceaux, de ses songes, elle éprouvait quelquefois le souci de moi. J'avais protesté, attendri qu'elle m'associât à son désarroi du jour et désireux de m'en détacher du même coup. Ce qui me restait de gouvernement sur notre foyer m'obligeait à forcer les feux de l'optimisme. Je nous savais insuffisamment armés pour le malheur en commun. Il ne m'appartenait pas de reconnaître que moi non plus je n'étais pas très heureux. L'eussé-je avoué que c'en eût été fini de nous. Rien ne pouvait m'effrayer davantage. Plutôt que de me résigner à cet échec, j'étais prêt à passer pour un monstre d'inconscience à jouer l'idiot du ménage, le ravi du foyer. Ce soir-là, pourtant, poussé par quel démon, j'insistais afin de la mettre sur la voie. Je voulais dire surtout qu'on n'a qu'une seule boule de gui pour sa vie entière. Ce n'est pas beaucoup. Ce langage un peu épais, qui contrevenait à toute une politique de pudeur, la déconcerta. Elle n'avait pas pour l'heure la tête chagrine. Elle me demanda si j'avais décidé ce que nous ferions le lendemain. À ce moment, un choc assourdi au-dessus de nos têtes suspendit notre attention. Décidément, elle est déchaînée. Le lendemain. Par habitude, je me reportais à l'école, non que j'allasse y chercher mes consignes, mais des points de repère. Condé avait gagné la bataille de Rocroi dans l'après-midi et s'apprêtait comme prévu à l'emporter à Lens. Turenne, après avoir ravagé la Bavière, marchait sur la Bohême. Le général suédois Königsmark assiégeait Prague. Le pape fulminait. Les princes catholiques donnaient la main aux princes protestants pour assurer le démembrement et la réorganisation de l'Allemagne. On palabrait interminablement à Münster et à Osnabrück. Eh, bien sûr, demain, c'était l'anniversaire de notre mariage. 5 ans. Ce sont des noces de quoi ? Ce ne sont pas nos noces d'argent, en tout cas. Ça ne nous empêchera pas d'aller au restaurant, si tu veux. Ensuite, nous sortirons. Toute la journée ? Je ne peux pas. Tu sais bien que j'ai cours. Fais-toi porter malade. Cette dérogation au rite traditionnel du mois de mars m'enchanta un instant. Je m'étais octroyé mon angine saisonnière aux alentours du Mardi Gras. Je n'envisageais rien avant mon embarras gastrique de la mi-mai. Des névralgies pouvaient couper heureusement cette longue période d'assiduité. Je me ravisais. Plus tard, certainement. Demain, c'est trop important. C'est le traité de Westphalie. Encore ? Ce n'est pas ma faute. Enfin, tu ne vas pas me dire l'année dernière déjà. C'était vrai. J'en reçus comme une grande gifle molle. L'écœurement que je sentais affleurer depuis le début de la soirée me submergea. Il n'était même plus question d'accuser la monotonie de ma vie, c'était sa rigueur, cette fois, qui m'apparaissait avec une évidence scandaleuse. Car m'étais-je jamais dicté la moindre de mes lois ? Il n'était que trop clair que mon destin m'arrivait, déjà mâché ailleurs. Ça ne datait pas d'aujourd'hui. Sophie et moi étions, à notre manière, des victimes de l'histoire. Elle nous avait ligotés jadis par des contraintes actuelles. Elle nous étouffait maintenant sous des contraintes dépassées. Ma dévotion à son ordre immuable donnait à mon existence le tour d'une vie sans fin. Je compris que désormais je ne pourrais plus regarder en moi-même sans l'entendre moudre son engrenage dérisoire. Peut-être suffisait-il de faire sauter un écrou quelque part pour rouvrir les vannes de la fortune, de l'aventure, du devenir. Puisque l'histoire m'avait détraqué, je détraquerais l'histoire. Les temps de l'inertie étaient révolus. Aux approches de l'aube, je décidai que cette année-là, on ne signerait pas le traité de Westphalie. Et il me sembla, en m'endormant, que le monde desserrait sa ceinture. Le restaurant était un palais de glace. Je souriais aux femmes sans savoir pourquoi. Les femmes me souriaient par retour du courrier, des milliers de femmes, et puis celle-là, en face de moi, qui était la mienne. C'était singulièrement restrictif. C'était également plus sûr. Je lui pris la main par-dessus la nappe. Elle fronça un peu les sourcils et dit « Voyons ». À la table voisine, une dame entre deux hommes, entre deux âges, entre deux vins, tendait un bras molle dans notre direction. Je crus d'abord que nous allions servir de cible à cette ébriété opulente, solidement assurée sur ses flancs. Mais il s'avisa qu'elle ne visait que le ciel et je l'entendis proférer. Je vous jure, Fred, que c'est la bombe atomique qui a mis l'atmosphère cul par-dessus tête. On ne s'y retrouve plus avec les saisons. Il y a maintenant 2 printemps par an. Eh bien, mes chéris, ça me fait 80 printemps. Je m'attendris à cette rencontre entre les propos de la mémère richissime et les élucubrations du maigre Savarin. Il n'était peut-être pas vain qu'il y eût de par le monde une inquiétude commune aux reines et aux bergers. Les hommes étaient bien braves, au fond. Le garçon demanda... Et comme boisson ? Un blanc très sec, un traminaire ou un Riesling. Le restaurant nous fournissait en général l'occasion de nous dire des choses dont nous n'aurions pas songé à nous entretenir à la maison, dans la cuisine ou dans notre lit. L'obligation dans laquelle nous nous trouvions de lancer entre nous ces serpentins de la parole qui isolent les convives, les fixent à leur place, les confirment dans l'assurance qu'ils ne sont pas en train de dîner avec ce monsieur ou cette dame là-bas, ôtait beaucoup d'importance à ce dont nous parlions. Nous en profitions lâchement pour frôler nos sujets les plus graves. Nos affaires se trouvaient réglées avec l'addition. Ce soir-là, il n'y avait que du plaisir à rire. Il est arrivé une lettre de papa. Il est en Allemagne, il nous envoie un vrai prince qu'il nous charge d'accueillir gentiment. Ils ont vécu ensemble une éclipse inoubliable. Il va loger à la maison ? Non. Il faut simplement le cajoler un peu, comme quand l'archiduc est passé. Le garçon, qui nous dressait un plateau d'huîtres, écarquillait un œil flatteur. Au fait, tu sais que je n'ai pas signé le traité de Westphalie. J'étais un peu ému de mettre quelqu'un dans cette confidence magistrale. Je craignais qu'elle ne l'accueillît mal et se récria d'horreur. Alors qu'est-ce que tu as fait tout cet après-midi ? J'ai fait ma classe. Eh bien, tu le signeras la prochaine fois. Tu ne te rends pas compte des conséquences incalculables que cela peut présenter. Taratata. À ce moment, le garçon se coula vers nous, la mine défaite. Il nous rapportait la carte des vins et nous jeta à voix basse. Il n'y a plus d'Alsace. Je me tournai vers Sophie. Tu vois, ça commence. Pour en revenir à ces questions de discipline, pourriez-vous nous parler de votre service au STO en Allemagne ? Eh bien, je suis parti au STO en 1943 et je suis parti dans des conditions à la fois assez pénibles parce que ça a coupé court mes études et m'empêchait par la suite de poursuivre jusqu'au professeur entièrement, car quand j'en suis rentré, je n'avais plus la moindre intention d'ouvrir le moindre livre de classe. Et après avoir grappillé donc des sursis d'études en pagaille. Et je me suis retrouvé dans des conditions assez privilégiées, en ceci que nous étions, dans le wagon qui nous emmenait, nous étions 28 étudiants. Donc, qui, ayant bénéficié de sursis, de sursis, de sursis, de sursis, se sont retrouvés brusquement dans le même train. Et alors, nous avons réussi cette espèce de gageure à travers des triages, à travers des aiguillages et à travers des exodes multiples, et même sur la fin, de rentrer les 28 à Paris ensemble après 2 ans passés dans la même usine. Et à l'intérieur même de cette usine, que jouxtait un camp, nous avons réussi en fait à ne pas trop nous séparer et à être dans les mêmes chambrées. Ce qui fait que l'école et le STO se joignent par là, n'est-ce pas ? Par le fait qu'il y avait quand même un climat qui n'était pas, hélas, pas studieux du tout, mais qui était un climat potache aux heures où nous nous retrouvions au camp, n'est-ce pas ? Le reste de la journée se passait à travailler à l'usine, des travaux extrêmement durs pour lesquels aucun d'entre nous n'était fait. Il y avait donc persiflage à se moquer de soi-même et pas cette espèce de désintégration totale que j'aurais pu connaître si j'avais été avec des spécialistes qui, malgré tout, me fassent doublement sentir l'exil. D'une part, exil de mon pays, exil de mes affections, et d'autre part, exil de mes activités normales. On faisait du caoutchouc synthétique. Il y avait 5000 ouvriers, ils appartenaient à 17 nations différentes, la porte de l'usine s'ouvrait sur la porte du camp, et il n'y avait pratiquement pas d'ouvriers allemands dans cette usine, c'était des ouvriers étrangers, et là je retrouvais aussi un peu, mais sous des couleurs beaucoup moins riantes, le cosmopolitisme que j'avais pu apprécier autrefois au lycée. Nous avions de brefs échanges, mais qui consistaient surtout à nous apprendre les injures dans différentes langues, le russe, le croate, le polonais, l'italien. Nous ne sortions pas du tout, et il n'y avait pas la moindre ville à proximité. C'était dans la plaine qui s'étend au sud de Vienne vers la frontière yougoslave, et c'était un coin extrêmement isolé, et où nous étions vraiment constamment sans la moindre possibilité de se déplacer, sans la moindre possibilité d'entrer dans une boutique, sans la moindre possibilité de rien faire du tout. Nous étions entièrement sous la tutelle de l'organisation de l'usine qui se doublait d'une organisation de camps telle qu'il y en avait des milliers dans l'Allemagne. Donc c'était une agglomération strictement usinière et nous sommes restés 2 ans sans sortir. Et c'est par là que le fait, malgré tout, de rester 28 étudiants ensemble était quand même une ressource assez exceptionnelle. Nous n'en usions pas beaucoup, nous travaillions 12 heures par jour, et enfin 12 heures par jour qui devenaient une semaine sur deux 12 heures de nuit. Les chambrées brassaient ces gens qui travaillaient le jour et les gens qui travaillaient la nuit, ce qui fait que pratiquement la lumière ne s'éteignait jamais dans notre chambre, car il y avait des tas de minuscules travaux à faire, enfin je ne sais pas, de couture, d'essayer de faire un peu de feu ou de choses comme ça. Et nous vivions vraiment les uns sur les autres. Eh bien, j'avoue, je dois reconnaître que cette promiscuité ne m'était pas tellement désagréable. Ce qui m'était le plus pénible, c'était le travail même, et alors la nourriture qui devenait catastrophique, enfin qui n'existait pratiquement pas. Ce qui est malgré tout a pu faire passer la chose, c'est que nous avions le sentiment que cette situation était provisoire malgré tout, qu'en fait, des pions nous jouaient une sale blague, mais nous n'avions pas le sens d'une fatalité, n'est-ce pas ? Que notre destinée ne s'arrêtait pas là. Oui. Et en tout cas, qu'il y aurait des débouchés, un jour ou l'autre. Alors, nous sommes rentrés tous, sans nous être quittés, après des péripéties assez extravagantes. Nous sommes un petit peu dispersés, mais toujours dans les mêmes régions, sans jamais nous perdre de vue. Il y en a qui sont devenus vachés parce que l'usine a été prise par les Russes, mais les SS nous ont fait évacuer l'avant-veille de l'arrivée des Russes et nous ont ramenés vers le centre de l'Allemagne. Dans ce centre de l'Allemagne, c'était une pagaille épouvantable parce que deux exodes se télescopaient, l'exode de l'Ouest et l'exode de l'Est. Il régnait là une méfiance. Ils nous ont abandonnés brusquement et nous étions en butte à toutes les suspicions. Et j'avoue que l'ambition des plus malins d'entre nous consistait à se faire mettre en prison par les Allemands. Parce que quand on se faisait mettre en prison, on avait le droit parfois de toucher une soupe ou de se faire envoyer et de retomber dans une discipline, si vous voulez, quelconque. En tout cas, d'être situé dans cette espèce de magma où les gens vous tiraient dessus pour un rien, vous prenaient pour des espions. Et finalement, nous avons réussi pour la plupart à trouver du travail. Moi, j'ai été vaché pendant les deux derniers mois de la guerre dans le Tyrol, c'était pas extrêmement drôle, mais enfin, il y a eu quelques gags plaisants. Et j'avais des amis dissimulés dans les fermes environnantes qui faisaient comme moi les pires bêtises, parce qu'alors là, nous étions strictement livrés avec les forces de la nature qui, elles, ne composent pas et ne comprennent rien à rien. Je n'avais pas mangé depuis 14 jours, exactement, dans un état de très très grande faiblesse, quand j'ai réussi à me faire embaucher dans une ferme où il y avait une vingtaine d'ouvriers agricoles. C'était une très grande ferme. Et le propriétaire de cette ferme était une sorte de patriarche qui m'a jaugé, qui m'a demandé ce que je faisais en France. Et pensant que sur ma bonne mine, il ne me prendrait certainement pas, j'ai dû exciper d'une certaine expérience des travaux de la terre. À la suite de quoi, il m'a demandé de seller un cheval, chose que je n'avais jamais fait. Puis je me suis aperçu, même à l'expérience, que j'avais un peu peur des chevaux. Et il attendait devant la porte de l'écurie. Et je m'empêtrais dans cette jument que je harnachais avec tout ce qui me tombait sous la main. J'ai quand même réussi à la détacher, ça j'avais compris quel était le mousqueton qu'il fallait faire sauter pour qu'elle sorte. Et cet homme, au milieu de sa ferme, de sa grande cour de ferme, avec sa chambrière, qui ressemblait à l'espèce de monsieur Loyal, a vu sortir une jument affublée comme un poney de cirque, a hurlé et m'a renvoyé à de plus mornes travaux, qui étaient de scier du bois toute la journée. J'avais même pas droit au privilège de mener un cheval par la bride. Et il en était extrêmement déçu. Je crois qu'il n'a pas été méchant parce qu'il aurait, à ce moment-là, pu me remettre sur la route en me disant d'aller seller des chevaux ailleurs. Et il ne l'a pas fait. Dans le même temps, cette pauvre jument n'avait pas de chance, car malgré tout, 8 jours plus tard, on me l'a reconfiée. Elle trimballait, je ne sais pas, je crois, des charrettes de fumier. Et 12 heures par jour, c'était un peu en montagne, j'emmenais cette jument qui, à chaque virage, au bout du champ, me marchait sur les pieds. Et alors, il s'est passé ceci, c'est que je l'ai tuée. Cette jument, je l'ai pas tuée volontairement, j'ai pas pris un revolver comme ça, mais je l'ai fait tomber délibérément. Il y avait un caniveau au bout, je me suis dit, ben voilà, une fois que ça, comme ça, tout ça va se finir. J'avais peur surtout qu'elle parte, et je me suis dit, si elle se couchait un peu dans le fossé, elle ne partirait pas. Et en fait, la pauvre, je l'ai tuée parce qu'elle était pleine d'un petit poulain, et qu'elle a eu un accident. Et alors après ça, j'ai eu un nouveau travail, en tout cas ça m'a procuré, c'est que j'ai creusé une tombe pour ma jument. À la fin de la guerre, les Américains m'ont surpris, moi j'étais en train de creuser une tombe pour la jument que j'avais tuée. Voilà à peu près, ils ont été mes travaux de ferme, mais ça a duré 2 mois assez morne quand même, le tout dans le tout. Hans et Helmut gravirent le perron de la mairie. 4 marches, pour tout dire, dont une fameusement traîtresse, et trouvèrent porte close. Ils redescendirent dans un grand fracas de bottes, firent 2 ou 3 fois le tour de cette morne bâtisse dans l'espoir d'y découvrir quelques motifs artistiques qui eût valu la peine de s'extasier, mais ce fut peine perdue. La prise du pouvoir s'annonce difficile. Il faut quand même aller voir ce qui se passe là-dedans. Il s'arma d'une clé anglaise, dont il fit martialement sonner les molettes, et de quelques objets contondants. Helmut le regardait faire. Il était incroyablement maladroit de ses mains. Dans l'usine de caoutchouc synthétique où les garçons, entre 2 feux de camp, travaillaient avant d'être mobilisés, ils manquaient à tout instant d'être exclus du bataillon des apprentis d'élite. À la dernière minute, on le conservait précieusement car il faisait bien dans les défilés et tenait sa partie aux manifestations de la force par la joie. Hans s'acharnait avec minutie sur la serrure de la mairie. Va me chercher la burette. Tu ne crois pas que ce serait plus d'allure si nous enfoncions la porte ? La chaleur était accablante et l'on transpirait pour un rien. Ce qu'il me faudrait trouver, c'est un fil de fer, un simple fil de fer. Avec ça, je suis imbattable. Toi, tu ne peux pas comprendre. Tu n'es pas mécanicien. Et d'abord, tu ne sais même pas conduire. Sais-tu qu'il y a des jours où tu parles comme un Américain ? Je pense qu'on pourrait en avoir fini avec cette connerie-là et faire tranquillement de la photo. Tu m'avais promis de me prendre en train de jouer de l'harmonica devant une église. On n'arrive jamais au bout de ce qu'on dit. C'est comme pour les atrocités. J'ai pas d'imagination. Eh, naturellement, ça fait des techniciens. Mais ça ne fait pas des soldats, des conquérants, j'entends. Helmut, dans la mesure du possible, s'astreignait à commettre au moins une atrocité par jour. Cette stricte habitude qu'il s'était imposée pendant la campagne de Pologne lui avait permis de surmonter la monotonie d'un long hiver. C'était, chez ce jeune scout cruel, une véritable discipline hygiénique. Mais les journées passaient vite depuis quelque temps, et il ne trouvait guère l'occasion d'y satisfaire. Les résolutions sont comme ça. Sur ces entrefaites, la porte s'ouvrit dans la figure de Hans, et le SS constata sans ironie que le ventail banal qu'il s'obstinait à pousser se tirait tout simplement vers l'extérieur. Il s'empressa de consigner cette particularité sur son carnet de route. Ce carnet, qu'il oublia quelques mois plus tard dans une maison d'illusion, tomba par la suite entre les mains des historiens. Ceux-ci le compilèrent outrageusement et trouvèrent en particulier que l'anecdote ci-dessus rapportée illustrait d'une façon définitive toute l'histoire du rapprochement franco-allemand. Bref, Hans et Helmut pénétrèrent dans la mairie en s'efforçant à la gravité. Une paire de bois de cerf ornait le vestibule dallé de carreaux blancs et noirs. Une sorte de houppelande passée de couleur pendait aux plus basses cornes. Les SS négligèrent et la dépouille et les trophées. Ils se sentaient pris aux narines par une odeur de ragoût venue du fond des âges. Toute une civilisation mijotée aux petits oignons leur tendait par là ses premiers pièges. Ils se raidirent. Poussés une porte à boutons de porcelaine, ils se crurent sauvés. Le secrétariat offrait aux yeux l'ordonnance de ses classeurs verts et le strict foisonnement d'une champignonnière de petits tampons. Les employés de la mairie, qui devaient atteindre aux plus hautes distinctions dans l'ordre de la résistance locale en jouant à cache-tampon avec l'occupant durant 4 années, les avait fort congrûment abandonnés ce jour-là. Helmut fit main basse sur ses cachets, qui sont pour moitié dans l'exercice du gouvernement. Mais quelque chose leur échappait encore, dont ils sentaient bien que c'était là l'essentiel. Pour cette fois, ça fleurait bon le cuir et la sueur de gendarme. D'un gendarme, toutefois, débonnaire comme un qui fait sa tournée et paye la sienne du même cœur. Puis il y avait du papier au mur avec un motif sur lequel il y aurait eu beaucoup à dire et certainement choisi par une dame. Eh bien, fais quelque chose. Hans empoigna une chaise, grimpa dessus et retourna dans son cadre en manière de provocation l'effigie d'une jeune femme plantureuse au sourire inexorablement distant. Ce geste symbolique n'eut aucune portée car il ne s'agissait que d'une ressucée de la Joconde à peine rehaussée d'un soupçon de coloris pour la plus grande satisfaction de l'adjoint. Ah, Marianne, Marianne. Il eut envie d'écrire son nom au-dessus de la cheminée. Prenant le bras de son compagnon, il franchit le seuil de la salle des fêtes. 20 rangées de bancs, comme pour une distribution des prix. 2 fauteuils tournés vers l'estrade, comme pour un mariage. 1 buste cravaté d'une guirlande, comme pour l'éternité. 2 capucines à la fenêtre, comme pour un bouquet. 2 champs jaunissants, comme pour la moisson. 1 libellule, comme pour un instant. C'était vraiment la salle de toutes les fêtes. Les jeunes soldats ne surent les bouder. Avec moins de sans-gêne qu'ils ne s'en promettaient, ils se laissèrent tomber dans les 2 fauteuils et ils s'assoupirent doucement. Et nous sommes rentrés à Paris, donc. Et là, je n'avais pas le goût de reprendre mes études et je me suis marié. Me mariant, j'ai dû gagner ma vie et j'ai donné des leçons particulières pendant un certain temps. Vous n'avez pas été peut-être surpris par, et même peut-être un petit peu désarçonné devant la vie d'après la libération ? Eh bien, c'est-à-dire que j'ai été désarçonné dans la mesure où je croyais que la vie était beaucoup plus belle que cela, parce que, en fait, Paris était libéré depuis un an à peu près, et je pense qu'on n'avait pas fait grand-chose en mon absence pour me préparer un très joli retour, mais c'est de l'ordre de la carte de pain, dont on se demandait si elle existait encore, c'est de l'ordre, enfin, de choses comme ça, de broutilles. Mais le fait, la retrouvaille avec les personnes était quand même beaucoup plus importante, et c'est ça qui emportait tout. Et puis, je fais la connaissance de deux garçons, dont l'un écrit, enfin, ou a envie d'écrire, et dont l'autre a envie d'être éditeur, ce qui me stupéfie. J'estime que ce n'est pas une vocation de jeune homme, malgré tout, et c'est une vocation qu'eux-mêmes ont contractée sur les bancs du lycée où ils sont allés ensemble, et l'un a dit « j'ai envie d'écrire », et l'autre a dit « moi j'ai envie de t'éditer ». Et puis, les événements les séparent, et ils se retrouvent après la guerre, l'un a toujours envie d'écrire, l'autre a toujours envie d'éditer. Au moment où je les rencontre, ils s'occupaient à colporter et à diffuser les mémoires d'un âne, qu'effectivement ils avaient réédité dans une petite collection, mais il faut bien donc avouer qu'il y avait là une faillite, sinon de l'éditeur, du moins de l'auteur. Et puis cet auteur s'est mis brusquement à écrire, et l'écrivain s'appelle Caroline Chéry, qui a eu un certain succès, et il y avait donc cet éditeur, qui était l'éditeur d'un seul livre, qui était Caroline Chéry, qui faisait des affaires, et comme j'étais devenu leur ami, il m'a dit « tu devrais bien écrire aussi ». Alors, il m'a donné de l'argent pour écrire. Alors donc, j'ai fait des dettes à son endroit, parce que je n'écrivais toujours pas, mais je ne faisais rien d'autre. Donc j'avais ça devant moi, quoi. Et j'ai écrit, comme ça, un livre qui s'appelait « L'Europe buissonnière ». Et à partir de ce moment-là, j'ai fait du journalisme. Et alors, quand on fait du journalisme, on connaît des gens, on finit par appartenir à ce milieu. Donc, malgré tout, il était avéré par cette espèce de pente, qui est peut-être profondément ma ligne de plus grande pente, que je finirais quand même par écrire régulièrement, enfin que ça deviendrait peut-être un truc que je pourrais mettre sur ma carte d'identité devant profession, si vous voulez. Mais je le mets pas encore, notez bien, je n'ose pas, mais enfin... En dehors de cette ligne de plus grande pente, quelles étaient vos autres pentes ? Ah ben, j'en ai un certain nombre. Entendons que par ligne de pente, j'entends ligne de goût, n'est-ce pas ? Eh bien, du plus loin que... je puis envisager mes goûts, je trouve presque constamment le goût du sport et le goût du sport de compétition. C'est-à-dire non seulement le sport que l'on pratique parce qu'on sent qu'on a un corps et qu'il faut l'entretenir et qu'il faut bien y faire attention, c'est pas ça tellement, c'est la compétition. La compétition sportive, celle qui se mesure au mètre, au chronomètre, par un nombre de buts marqués, par rapport à quelqu'un d'autre aussi quand même. C'est pas, ce n'est pas tellement le sport dans l'absolu, c'est le sport dans la relativité du combat. J'ai pratiqué le sport, je l'ai pratiqué avec pas beaucoup de brio, mais je l'ai interrompu très tôt à cause de la guerre. Il y avait des restrictions, on était sous-alimentés, et je voulais finir mes études dans la crainte d'être obligé de les interrompre indépendamment de ma volonté. Et quand je suis rentré d'Allemagne, j'étais quand même déjà un petit peu âgé pour briller dans les compétitions. Et là, j'ai sans doute eu le tort de ne plus faire à ce moment-là du sport pour moi-même. Mais alors, j'ai eu qu'une seule idée, c'est de faire du journalisme sportif. Et j'ai fini par faire du journalisme sportif. Et là, j'ai été vraiment extrêmement heureux. Je dois le dire, enfin, je travaille à l'équipe. J'ai fait 5 fois le Tour de France comme suiveur. Et je crois que l'une des grandes récompenses pour quelqu'un qui, malgré tout, évolue dans le monde de l'écriture, c'est de pouvoir écrire dans le journal qu'il lit. Or, comme le journal que je lisais, c'était l'équipe, le jour où j'ai travaillé dans l'équipe, je me suis dit, oh, il y a une promotion, ma vie est gagnée, ma vie est sauvée. Et alors ma seconde pente, c'est à la fois un peu prétentieux, mais enfin c'est vraiment un aveu réel que je vous fais là, c'est l'amitié. Et les amitiés même, n'est-ce pas ? Pas une amitié sublime façon Goethe. Non, non, le commerce des amis, des camarades. Et de devenir l'ami d'écrivains comme Marcel Aimé, comme Jacques Perret, comme Vidali, comme Nimier, que j'admire, et de les voir, et de pouvoir passer des heures ensemble... Ça me fait extrêmement plaisir. Et je vous disais tout à l'heure qu'on finit par se laisser envelopper par le milieu dans lequel on vit. Eh bien, si je considère mes amis, je m'aperçois qu'ils sont presque tous des écrivains. Mais si je pense à eux, je ne pense pas à eux comme des écrivains, jamais, car nous ne parlons jamais de littérature. Strictement jamais. Nous parlons d'autres choses, nous parlons de petits vins blancs, nous parlons de bateaux, Nous parlons de promenade. Nous projetons des expéditions. Nous rêvons. Enfin, des expéditions modérées qui ont habituellement quand même pour but un bistrot ou une blague à faire. Nous avons des grands projets. Et quelles ont été vos autres œuvres? Eh bien, je viens d'écrire un roman qui s'appelle Un singe en hiver. Et ce roman est celui de la chute, de la rechute plutôt, d'un homme d'une soixantaine d'années qui a cessé de boire une dizaine d'années plus tôt et qui trouve que la vie est morne et plate. Il ne s'en rend pas très très bien compte. Et il est certain qu'il manque quelque chose à cet homme-là. Le jour où un homme de beaucoup, son cadet, se présente à lui et qui continue de boire, il renoue avec la tentation de succomber et en fait le suspense de ce livre, s'il y en avait un, serait succombera-t-il, succombera-t-il pas. Chemin faisant, j'ai beaucoup décalé cette perspective et il me semble que j'en suis arrivé à ceci, c'est que le plus jeune a pris le pas sur le plus âgé. Mais dans mon esprit, initialement, le personnage le plus important était cette espèce d'homme arrivé dans la dernière ligne droite de sa vie et qui essaie à la fois de se retourner vers quelque chose et à la fois d'éviter l'échéance d'une autre chose qui est la plus plate des vieillesses. Car enfin, c'était ce personnage-là qui m'intéressait, moi, et je me suis encore une fois laissé bouffer par un autre personnage, celui du jeune, qui est pratiquement le frère de tous les personnages que j'ai introduits dans mes romans jusqu'ici, et particulièrement presque le prolongement d'un personnage qui était le moteur principal d'un livre que j'avais écrit il y a 4 ans, qui s'appelait L'humeur vagabonde, et qui était le roman d'un homme qui cherche à rétablir sa communication personnelle avec les autres êtres. Et dans ce roman-ci, il trouve le moyen de rétablir cette communication par le truchement de l'alcool et il essaye de l'imposer à l'homme de 60 ans. Il essaie de lui rendre cette clé qui permet d'être relié d'un seul coup au système nerveux du monde et non plus d'être déjà, comme beaucoup d'hommes, dans la dernière ligne droite, donc sur une voie de garage. Voici maintenant un passage du roman d'Antoine Blondin, Le singe en hiver, qui vient d'obtenir le prix Interallié. Tu aurais eu à cœur de le faire boire, que tu ne t'y serais pas pris autrement. Si, j'aurais bu avec lui. Ils étaient dans leur chambre qui n'avait pas l'air d'une chambre d'hôtel, bien qu'elle ne se distinguât des autres que par l'absence d'un numéro au-dessus de la porte. Mais les souvenirs de toute une vie s'y trouvaient accumulés sur un espace restreint, où la forme et le poids matériel, plus que la valeur sentimentale, assignaient aux objets une place définitive. Le mot qui venait à l'esprit de Quentin, lorsqu'il envisageait cet échafaudage de trésors douteux, était celui de cargaison. Il s'accompagnait du sentiment morose que la cale du navire avait fait charge pleine. Suzanne arrêta sa machine à coudre, leva les yeux vers son mari occupé à se raser avec le vieux coupe-chou dont il n'avait jamais réussi à se déshabituer, et ressentit, comme chaque matin, au spectacle de ce mâle jardinage, l'impression heureuse qu'une puissance exacte animait ce torse gonflé sous les bretelles. Peut-être pourrais-tu recommencer à prendre un peu de vin à table. Je te regardais hier soir faire les honneurs de notre cave. Je pensais que tu avais beaucoup de mérite. Je voudrais pas que tu te sentes en état d'infériorité vis-à-vis de qui que ce soit à cause de moi. Quentin, le visage oblique devant la glace, demeura un moment la bouche ouverte, hésitant à lui dire une bonne fois pour toutes qu'elle n'y était pour rien, que le problème réveillé par la venue de Fouquet le concernait seul, car il savait que cette révélation eût été pour Suzanne une grande déception. Puis, Estimant que sa proposition constituait une ouverture de bonne volonté, il se contenta de déclarer « Si quelque chose devait me manquer, ce ne serait pas le vin, mais l'ivresse. » Comprends-moi. Des ivrognes, vous ne connaissez que les malades, ceux qui vomissent, et les brutes, ceux qui recherchent l'agression à tout prix. Il y a aussi les princes incognito qu'on devine sans parvenir à les identifier. Ils sont semblables à l'assassin du fameux crime parfait, dont on ne parle que lorsqu'il est raté. Ceux-ci, l'opinion ne les soupçonne même pas. Ils sont capables des plus beaux compliments ou des plus vives injures. Ils sont entourés de ténèbres et d'éclairs. Ce sont des funambules persuadés qu'ils continuent de s'avancer sur le fil alors qu'ils l'ont déjà quitté, provoquant des cris d'admiration ou d'effroi qui peuvent les relancer ou précipiter leur chute. Mais pour eux, la boisson introduit une dimension supplémentaire dans l'existence. Surtout s'il s'agit d'un pauvre bougre d'aubergiste comme moi, une sorte d'embellie dont tu ne dois pas te sentir exclu d'ailleurs, et qui n'est sans doute qu'une illusion, mais une illusion dirigée. Voilà ce que je pourrais regretter. Tu vas imaginer que je fais l'éloge de l'ivresse parce que Fouquet traverse une mauvaise passe actuellement et que ce garçon me plaît bien. En cela, tu auras raison pour une bonne part. Autrement, je ne me permettrai pas d'agiter ce spectre devant toi que j'ai tant tourmenté autrefois et qui m'a entouré d'une façon si vaillante. Oui. Il y avait quand même longtemps qu'il n'était plus question de tout ça entre nous. Je voulais justement te demander quelle attitude il convenait que j'adopte s'il prenait à M. Fouquet la fantaisie de s'illusionner durant les jours où tu vas être absent. On serait très étonné, encore qu'il soit homme à faire ce dont il a envie. Mais je doute qu'il ait jamais vraiment envie de boire. On ne rit pas. Représente-toi plutôt un promeneur qui aperçoit brusquement un couloir somptueux et s'y engouffre, parce que rien ne le retient de l'autre côté de la rue. Mais certes, il ne ressemble pas aux épaves qu'on voit flotter dans la région. Je confesse que j'ai été la première à subir son charme, mais je ne me défends pas, moi non plus, d'un désir de le protéger depuis que nous savons ce qu'il en est. Reste qu'il m'a paru extrêmement bizarre à la fin du dîner, quand il s'est mis à te parler de cette corrida du lendemain pour laquelle tu avais des billets, enfin que sais-je. Et toi qui avais l'air tout gêné. Oh, n'attache pas d'importance à cela. Moi, je crois qu'il y a une déconvenue amoureuse là-dessous. Quentin, débitant cette explication qu'il gardait en réserve depuis le dimanche précédent pour expliquer la conduite de Fouquet, sachant qu'elle fournirait une circonstance atténuante aux yeux de Suzanne, ne pouvait s'empêcher de la déplorer. Ce n'était pas une consolation qu'on devait chercher dans l'alcool, mais un tremplin. Du moins, les générations élégiaques qui avaient gâché le métier pouvait-elle servir de caution quand la circonstance l'exigeait? En somme, nous savons presque tout de lui maintenant. D'après ce qu'il nous a raconté, j'ai cru comprendre qu'il travaillait dans la publicité et j'apprends qu'il accomplit ici une manière de retraite à la suite d'un chagrin d'amour. Est-ce bien ça? Dans une certaine mesure, je t'avouerai que je suis rassurée. Quentin essuya méthodiquement son rasoir sur une plaque de caoutchouc pendu sous le portrait du grand-père de Suzanne, et le referma avec un claquement sec. Suzanne, tu n'as que des qualités. Physiquement, tu as vieilli tel que je pouvais l'espérer. En ce moment même, tu es parfaite dans ton double rôle d'épouse et d'hôtelière. Mais tu m'ennuies. Tout bêtement, tu m'ennuies. Je ne vois pas en quoi ce que tu sais de M. Fouquet peut te rassurer. En revanche, à ta place, je m'inquiéterais d'avoir un mari qui vient de découvrir que tout ce qui était rassurant était ennuyeux, comme ces souvenirs qui nous entourent, dont on ne peut rien retrancher, auxquels on ne peut rien ajouter, parmi lesquels nous allons bientôt prendre la pause à notre tour. Car nous arrivons à la dernière étape de notre vie. Alors, de l'imprévu, moi, brusquement, j'en demande encore, et je le prends où il se trouve. Je ne veux pas qu'à mon côté, on s'acharne à le réduire sitôt qu'il se présente. Tu as bien caché ton jeu depuis 10 ans. Mais c'est faux. Je n'avais aucun effort à accomplir pour me plier aux disciplines que je m'imposais. Le sang-froid, la précision, l'exactitude, peut-être ne les ai-je poussés à l'extrême que parce que ces vertus ne me sont pas naturelles précisément. Mais ce jeu ne me pesait pas jusqu'à ces derniers jours. J'y trouvais même une satisfaction. Quentin achevait de nouer sa cravate. garnissait ses poches avec des gestes machinaux qui répartissaient infailliblement les porte-cartes, les portefeuilles, les porte-clés et les calepins en divers endroits de sa personne, lui conférant un leste supplémentaire. Suzanne essaya de se persuader qu'un homme aussi bardé ne pouvait s'égarer bien loin. Tout ce qui attache ou retient conservait une signification sur cette route. Je pense qu'il n'est pas mauvais que tu t'éloignes un peu. Ce petit voyage va te remettre les esprits en place. Et tu as raison, je suis ridicule. Non, il vaut mieux voir les choses telles qu'elles sont. Ces idées d'un autre monde, d'une autre vie possible, prochaine et pourtant dérobée, je dois les tenir de la religion où j'ai été élevé. Il y a du mysticisme dans l'extase d'un ivrogne contemplatif. Je voudrais vous demander maintenant, Antoine Blondin, ce que vous désireriez réussir dans la vie. J'ai l'impression que la vie ne se réussit pas en détail, elle se réussit en bloc. Donc, vous énumérez ce qui me plairait bien, ça m'est très difficile, c'est plutôt une couleur d'ensemble que j'aimerais donner à cette vie. C'est une vie qui essayerait de maintenir et de préserver un peu du soleil, sous lequel je vois baigner mon enfance, quand je vous en parlais tout à l'heure. Et s'il fallait, malgré tout, je ne sais pas, enfin vous, dire ce qui conditionnerait la réussite de cette vie, bien ce serait la possession d'un appartement, la possession d'un costume vis-à-vis des autres, et vis-à-vis de tous les autres qu'on aime bien. Les plaisirs du jour sont dans la matinée. Une émission imaginée et réalisée par José Pivin qui vous a présenté aujourd'hui une matinée avec Antoine Blondin. Des extraits des romans d'Antoine Blondin, L'Europe buissonnière, Les enfants du bon Dieu et Un singe en hiver ont été interprétés par Clément Béram, Charles Milot, Yves Pénaud, Nelly Delmas, Catherine Georges et Janine Patrick. Le récitant, Jean Martin. Prise de son, Roger Jeanbrun et Jean Pantaloni. Assistant de production, Jean-Pierre Collat. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 2 Régionale le 5 décembre 1959. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.